Et il est temps à présent d'accueillir en duplex Bérangère Bonte. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice adjointe de la rédaction de Europe 1 et vous publiez la semaine dernière Les Mercredis de l'Élysée aux éditions Archipel. Dans ce livre, vous vous intéressez au Conseil des ministres, rendez-vous solennel qui date de l'époque de Louis XIV, un rendez-vous réinstauré avec la constitution de la Ve République et qui perdure depuis 1958. Bérangère Bonte, comment avez-vous préparé ce livre ? C'est compliqué parce que c'est un sujet dont les ministres n'ont pas le droit de parler. Aussi incroyable ça puisse paraître, puisqu'ils sont à peu près 70 à avoir témoigné. C'est une règle, un interdit, on va dire, qui n'est pas écrit, ça n'est pas dans la constitution, mais c'est une règle qu'avait instaurée le général de Gaulle et même d'ailleurs Louis XIV, comme vous le rappeliez. Le secret est vraiment constitutif du Conseil. Donc c'était compliqué. Maintenant, vous vous apercevez quand même assez vite avec ces gens-là. Il y a quelques ministres qui refusent catégoriquement d'en parler. Mais globalement, c'est quand même un moment important de leur vie à tous. Et donc, quand vous les sollicitez, même si dans un premier temps, ils vous disent « mais ça n'a aucun intérêt, il se passerait en Conseil des ministres », très vite, il y a quelques mémoires et quelques souvenirs plutôt qui leur reviennent. Donc ça, c'est la première source des ministres. Je n'ai vu ni les conseillers, ni les journalistes politiques, que des gens qui ont assisté au Conseil. Et puis la deuxième source importante, c'est les archives nationales où se trouvent les notes qui sont prises par les deux seules personnes habilitées à prendre des notes pendant le Conseil, qui ne sont pas les ministres, qui sont les deux secrétaires généraux et de l'Élysée et du gouvernement, qui eux prennent des notes de façon exhaustive et versent tout aux archives nationales où c'est normalement protégé pendant une cinquantaine d'années. Et là, avec des demandes très spécifiques sur telle date, on parvient parfois à faire sortir les notes du Conseil en question. Le Conseil des ministres a également la réputation d'être très solennel et a même été décrit comme ennuyeux par d'anciens ministres. Bérangère Bonte, est-ce une généralité ou n'y a-t-il pas là eu des exceptions ? Évidemment, c'est très formel. C'est le moment de la semaine qui réinstalle le président, qui est un moment dans les institutions, évidemment très très très important. Donc forcément, c'est solennel, mais c'est important que ça le soit. C'est sans doute le ça a un tout petit peu évolué au gré des présidences et de la personnalité notamment des présidents. Nicolas Sarkozy par exemple a essayé lui par exemple beaucoup de dépoussiérer et de prendre de la liberté par rapport au formalisme, par rapport au fait de s'appeler par son titre et non par son nom. Sous Sarkozy il y avait du Rama pour Ramayade, il y avait du Brice et ce qui est inimaginable sous De Gaulle ou sous Pompidou, et même sous François Mitterrand. Donc il y a eu des époques comme ça où le formalisme était un petit peu ébréché. Néanmoins, ça reste quand même quelque chose de très figé, avec une construction qui a quasiment pas évolué depuis De Gaulle. Trois partis, il y en a aujourd'hui quand même une quatrième. Alors ça paraît rien du tout, on se demande même pourquoi on le signale, mais c'est énorme d'avoir rajouté une quatrième partie. Partie D comme débat que Nicolas Sarkozy a tenté d'instaurer sans vraiment y arriver, que François Hollande a tenté de reprendre sans plus de réussite et que Emmanuel Macron semble réussir davantage avec ce qui explique d'ailleurs que ces conseils des ministres soient beaucoup plus longs là sous la présidence Macron. Néanmoins, ça reste formel et encore une fois c'est important que ça le soit parce que on n'est pas au café du commerce, on est au Conseil des ministres de la République et c'est pas le lieu où on va échanger. Et c'est pas un bureau national de parti, du Parti socialiste ou des Républicains. C'est un Conseil des ministres où on examine, ou plutôt on passe en revue et on valide des textes gouvernementaux qui sans ça n'existeraient pas. C'est plus le moment où on discutaille de tel ou tel article, etc. Là, on est vraiment dans la validation des choses, une étape indispensable pour qu'ensuite un texte puisse poursuivre son parcours parlementaire. Mais le formalisme, encore une fois, il est important. Et puis vous l'écrivez, le système entraîne quelques voisinages savoureux et on va prendre l'exemple de la cohabitation entre François Mitterrand et Michel Rocard qui devait donc travailler de pair. Et l'on se souvient, hein, Bérangère Bonte, de ces images sur la télévision française de froid dans ce conseil de ministres alors que François Mitterrand et Michel Rocard étaient assis côte à côte. Hein. Et ils se détestaient, ça c'est sûr. Et du coup, forcément, ça faisait partie de la stratégie de François Mitterrand d'intégrer, ça a souvent été le cas, hein, on intègre ses adversaires pour éviter, en considérant, en tout cas au moment où on considère qu'ils sont moins nuisibles à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et puis quand ça s'inverse, quand l'équilibre s'inverse, eh bien on les sort. Donc effectivement, ça donne quand même lieu à des voisinages, comme vous dites, assez savoureux, d'autant que la place qu'on occupe autour de la table, on ne la choisit pas. En fait, c'est le protocole qui dicte les choses. Donc le numéro 2 du gouvernement s'assied à la droite du président, toujours, quel qu'il soit. Le numéro 3 du gouvernement s'assied à la droite du Premier ministre. Et il y a un système en croix comme ça, le 4e, le 5e, le 6e. Donc on se retrouve comme ça avec des voisinages parfois étonnants. Et c'est vrai que dans le cas que vous citez, c'était assez frappant. Parfois, certains présidents, de Gaulle par exemple, il y a fort à parier qu'il ait choisi de nommer André Malraux ministre d'État, ce qu'il plaçait numéro 2 du gouvernement, derrière le Premier ministre, pour être sûr de l'avoir à côté de lui. Là, il avait bien pigé que la seule façon, alors qu'il n'était que ministre de la Culture, ce qui normalement, dans le protocole, ne le place pas aussi haut au sein du gouvernement. Et puis, depuis le début des années 2000, il y a un objet qui est convoité et source de tension. Cet objet, c'est le téléphone portable. Alors, celui-ci est interdit depuis 2014, mais il est parfois mal caché par la plupart des ministres qui composent ce Conseil des ministres. Mais une sonnerie, quand on oublie de l'éteindre et qu'on veut planquer son téléphone, c'est sûr que ça finit par se voir. Il y a toujours un moment, un texto, un push de telle ou telle application ou un appel, effectivement, qui surgit. C'est effectivement une nouveauté de... Alors, de l'ère Hollande, vous dites 2014, François Hollande et Manuel Valls ont tenté, très honnêtement, sans succès, parce que au bout de deux conseils, François Hollande a repris le sien. Et donc, Manuel Valls aussi, et donc les ministres également. Là, sous Macron, il semble bien, j'y semble parce que moi-même, comme n'importe quel autre journaliste, nous n'y avons jamais mis les pieds, mais le boulot d'une enquête comme ça, c'est précisément de recouper les informations, et il semble bien qu'il n'y ait plus de portable, sauf pour les secrétaires généraux, là aussi, qui ont un rôle un peu à part, et Alexis Kohler, qui est le secrétaire général de l'Élysée, qui est un très proche du président Macron, peut garder le sien, ça c'est très officiel. Alors en revanche, il faut qu'il coupe sa sonnerie, et il a, au début du quinquennat, il avait oublié de l'éteindre, et Emmanuel Macron a très moyennement apprécié la sonnerie qui s'est déclenchée en plein milieu du Conseil, et je pense que depuis ça lui est jamais plus arrivé, quoi. Mais c'est vrai que ce portable-là aussi, ça rejoint la problématique du secret. On peut pas imaginer une seconde de Gaulle qui aurait laissé passer des téléphones portables ou François Mitterrand, inimaginable. Ils sont apparus dans la société à la fin, on va dire, de la présidence Chirac et surtout à l'époque Sarkozy. Ça rendait le Conseil, enfin quand même un peu ingérable. Vous aviez des ministres qui en avaient deux, voire trois à côté d'eux, quoi. Comment voulez-vous avoir l'attention des personnes autour de la table si des textos qui arrivent en permanence et puis en profiter pour faire leur courrier, etc. Et garder un secret. C'est très facile de faire fuiter les infos en temps réel. Donc c'était une évidence qu'il fallait les interdire. Vous voyez, dans les lycées, on les interdit maintenant. Enfin, c'est très intéressant d'observer comme sur des petites choses comme ça. On avance en fait en parallèle de la société. Il y a encore 4-5 ans, dans les entreprises, dans les conseils d'administration, on n'osait pas interdire les portables. Aujourd'hui, de plus en plus, c'est le cas. Donc c'est pareil au Conseil des ministres. Dernier élément, Bérangère Bonte, et puis après il faudra se référer évidemment à votre livre, hein, Les mercredis de l'Élysée. Les principales actions du président de la République, alors récemment il y a eu donc les frappes en Syrie, mais également l'évacuation de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Est-ce que justement ces actions sont évoquées en Conseil des ministres, ou bien on est vraiment face à des ministres qui dialoguent autour uniquement de leur centre d'intérêt? Alors, le président démarre toujours par un propos liminaire assez long d'ailleurs sous Emmanuel Macron autour de l'actualité du moment et de la semaine. C'est aussi un moment où le président peut transmettre à ses ministres un certain nombre de messages, d'explications de son action, de l'action du gouvernement, d'informations éventuellement. Alors, quand on en vient au sujet de politique internationale, c'est forcément trié. En partie, on ne dit pas tout sur les frappes en Syrie. Il ne leur a certainement pas dit qu'il allait frapper le jour où il allait frapper. Il l'a forcément évoqué, mais le détail des choses, des opérations, ça c'est pour le Conseil de défense qui est en cercle beaucoup plus restreint et qui a d'ailleurs lieu tous les mercredis maintenant, avant le Conseil des ministres. Ça, c'est depuis l'époque des attentats de 2015, Bataclan, etc. Donc le détail des choses, là, il est donné. En Conseil des ministres, non, certainement pas. Et ça a été vrai de tout temps. C'est compliqué parce que ce secret, il est difficile à instaurer, comme on le disait. Mais même les ministres qui vont retourner dans leur cabinet vont glisser un ou deux détails, et les membres du cabinet vont eux-mêmes rentrer chez eux et parler à leur femme ou à leur mari, et glisser un ou deux détails. Et vous imaginez comme ça démultiplie les informations. Donc sur des choses aussi sensibles que des frappes en Syrie, forcément, ce serait trop risqué. Mais c'est vrai que oui, le Conseil n'est pas déconnecté de l'actualité, loin de là. Et d'ailleurs, sur les affaires étrangères, le seul ministre qui s'exprime toutes les semaines au Conseil, c'est le ministre des Affaires étrangères, justement, qui fait une communication sur l'actualité, et qui fait une espèce de tour du monde, qui est d'ailleurs, c'est assez amusant dans les ministres que j'ai interrogés. Il y en a certains, Bernard Laporte, par exemple, qui était secrétaire d'État au sport, l'ancien rugbyman, qui me disait, oh, putain, mais j'adorais ça, j'étais au cours de géographie. C'est vraiment, c'est des moments d'instruction, entre guillemets, intéressants, d'information intéressants pour l'ensemble des ministres, clairement. Ouais, voilà qui est dit. En tout cas, voilà, sacré Bernard Laporte. Merci beaucoup, Bérangère Bombe, directrice adjointe de la rédaction d'Europe 1, d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Et donc, Les Mercredis de l'Élysée, c'est paru au début du mois aux éditions de l'Archipel, un livre que je vous conseille bien évidemment si vous souhaitez revenir dans les arcanes de la politique française depuis 1958, finalement les arcanes de la 5ème République. À bientôt.